بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On reprend aujourd'hui inshallah ta'ala cette série de cours dans l'explication de ce livre si bénéfique, si important, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Et on est arrivé à la parole de l'auteur rahimahullah lorsqu'il dit babu ma ja'a anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan. Le chapitre concernant les textes qui montrent que certains de cette communauté adorent les idoles. Il y a dans ce titre qu'a choisi l'auteur rahimahullah une réplique à tous ceux qui disent que le polythéisme ne touchera pas la communauté musulmane, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils nous disent, mais pourquoi est-ce que vous vous concentrez sur le tawhid, le tawhid, le tawhid? C'est bon, on a compris le tawhid, on a dit là, il a là. Le polythéisme ne va pas toucher la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici l'auteur rahimahullah, il nous montre des textes qui prouvent clairement que la communauté musulmane va être touchée par cette maladie. Il nous cite tout d'abord la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yu'minuna bil-jibti wat-tagut. N'as-tu pas vu ceux qui ont eu une part du livre croire au jibt ainsi que au tagut? N'as-tu pas vu ceux qui ont eu une part du livre? Le livre qui est voulu ici, c'est la Torah. Et donc ici, ce verset concerne des gens du livre et spécifiquement les juifs. N'as-tu pas vu ceux qui ont eu une part du livre? Ils ont donc eu la connaissance. Ils ont reçu le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ils croyaient en quoi? Au djibt ainsi qu'au tarout. El-djibtou, qu'est-ce que c'est el-djibt? Les savants nous disent que c'est une parole, c'est un mot qui englobe, donc qui a plusieurs sens. Le diable, la sorcellerie, le polythéisme et d'autres significations qui sont réunies dans El-Jibtou. Et aussi El-Tarout. El-Tarout, et donc ces gens-là, ils croient au Tarout. El-Tarout, c'est tout ce qui va faire que l'être humain, que le serviteur va transgresser et va dépasser ses limites dans l'adoration, le suivi. Et donc ici, ce verset nous montre que ces gens sont tombés dans le polythéisme. Qui sont ces gens? Et donc ce sont des gens qui ont reçu le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ils ont reçu la Torah. Ensuite l'auteur rahimahullah, il nous cite un autre verset: wa qawlillahi ta'ala qul hal unabbi'ukum bi sharrin min dhalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut. Dit: puis-je vous informer de ceux qui sont pires que cela en rétribution auprès d'Allah? Ceux que Allah a maudits et qui ont encouru sa colère. Et il a fait d'eux des singes ainsi que des porcs et des adorateurs du Tarout. Des adorateurs du Tarout. Ici, on a encore un autre verset qui concerne des gens du livre et qui ont adoré autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala et qui se retrouvent donc dans le polythéisme. L'auteur rahimahullah qui nous cite un troisième verset, il nous dit wa qawlillahi ta'ala, ainsi que la parole d'Allah le Très-Haut: qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida. Ceux qui ont eu le dessus, donc les leaders, ils disent: nous allons bâtir sur eux une mosquée, un lieu de prière. Ce qui est voulu ici, donc, ce sont les gens de la caverne. Les gens de la caverne, lorsqu'ils sont morts, lorsque leur peuple, ils les ont trouvés, ils sont morts, et ceci fait partie de la sagesse d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors les gens de leur peuple, les leaders, ils ont dit qu'ils vont bâtir sur eux un lieu de prière. Et certes, il n'y a nul doute, ô chers frères, que ceci est interdit en islam. Le fait de construire un lieu de prière sur une tombe. Le fait de construire un lieu de prière dans un cimetière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement interdit cela, comme on l'a vu lors des chapitres précédents, avant la pause. Et donc, à partir de là, on se pose la question, pourquoi est-ce que l'auteur a cité ces trois versets? Il nous parle de communautés qui sont, walikum salam, hatoula barakatou, il nous parle de communautés qui sont tombées dans le polythéisme, de communautés qui sont tombées dans des agissements interdits qui mènent au polythéisme, comme le fait de construire des lieux de prière sur des tombes. Mais pourquoi est-ce qu'il nous cite cela alors qu'en réalité, le sujet du chapitre, c'est le fait que la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certaines de cette communauté vont tomber dans le polythéisme. Pourquoi nous parler des peuples précédents alors que le sujet concerne la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? On le comprend dans le hadith qui suit. Après avoir cité ces textes, il nous dit, rahimahullah, وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الكذة بالكذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه. Et donc selon أبي سعيد الخدري رضي الله عنه que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez suivre les voies de ceux d'avant vous, vous allez les suivre à la trace. Même si ceux-ci rentrent dans un refuge, dans un trou de lézard, vous allez y rentrer. Alors il dit, oh messager d'Allah, les juifs et les chrétiens, ça veut dire on va suivre les juifs et les chrétiens. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, faman, qui d'autre? Qui d'autre? Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une autre narration, il dit sallallahu alayhi wa sallam, hatta in kana minhum man ata ummahu alaniya la kana fi ummati man yasna'u dhalik. Dans une autre narration, il dit même si il y a un d'entre eux qui a un rapport avec sa mère en public, alors nous trouverons dans ma communauté des gens qui feront cela. Subhanallah. Comment les gens de la communauté musulmane, comment des gens de la communauté musulmane vont suivre les juifs et les chrétiens à la trace? Comme on le voit aujourd'hui, barakallahu fikoum, ce hadith fait partie des signes de la prophétie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle du futur, et aujourd'hui nous sommes témoins de cela. Des musulmans qui vont fêter Noël, des musulmans qui vont fêter la bonne année, des musulmans qui vont adorer des tombes. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et donc oui, il y a des personnes de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vont tomber dans le polythéisme, qui fait sortir de l'islam, d'où l'importance d'étudier ce livre. Ce livre, on l'a étudié pendant plusieurs mois et on n'a pas fini, on va encore l'étudier pendant plusieurs mois parce qu'on n'est pas encore à la moitié du livre. On n'est pas encore à la moitié du livre, mais c'est un sujet important qu'il est important de détailler afin de voir le tawhid, l'unicité dans ses détails et afin de voir aussi le polythéisme dans ses détails pour s'en éloigner. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous cite un hadith un peu long. Il nous cite un hadith un peu long qu'on va voir aujourd'hui, bi'idnillahi ta'ala. Il nous dit, wali muslimin, an thawban, رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. Et donc selon l'imam Muslim rahimahullah, selon Thawban رضي الله عنه, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, certes Allah m'a montré la terre, alors j'ai vu son levant et son couchant, j'ai vu l'ouest et j'ai vu l'est et l'ouest. J'ai vu l'Est et l'Ouest. J'ai vu la terre de part et d'autre. Et certes ma communauté, le royaume de ma communauté, va atteindre ce qui m'a été montré de la terre. Et certes, il m'a été donné les deux trésors. Il m'a été donné les deux trésors. Ce qui est voulu ici, les deux royaumes. Le royaume perse et donc le royaume des Romains. Et certes, j'ai demandé à mon Seigneur, concernant ma communauté, de ne pas les faire mourir par une famine générale. Et de ne pas donner l'autorité, de ne pas donner le pouvoir à, de ne pas donner le pouvoir sur eux à un ennemi externe, à un ennemi extérieur, c'est-à-dire un ennemi qui ne fait pas partie de ma communauté, afin que celui-ci ne puisse pas donc anéantir toute ma communauté. Il y a dans ce premier passage, barakallahu fikoum, plusieurs points à méditer. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la terre lui a été montrée, qu'il a vu la terre de part et d'autre, et qu'il a vu que certes sa communauté, le royaume de sa communauté va atteindre ce qui lui a été montré. Il y a en cela, au cher frère, barakallahu fikoum, un signe parmi les signes de la prophétie. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé ici un élément du futur. Et vous pouvez le constater aujourd'hui que la communauté musulmane se propage et ne cesse de se propager. Et d'ailleurs, où sommes-nous aujourd'hui? Où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes dans un coin du globe qui est éloigné, très éloigné de Médine, où a commencé la propagation de l'islam. Et donc nous sommes loin. Mais pourtant l'islam est arrivé, est parvenu ici, et nous constatons que l'islam augmente. Depuis que je suis arrivé ici en Martinique, il y a des conversions. J'ai vu des conversions. Il y avait des conversions avant que j'arrive, il y a des conversions encore depuis que je suis là. Et donc l'islam se propage. L'islam se propage. Et c'est pour cela que certains qui n'aiment pas l'islam se méfient. Certains qui n'aiment pas l'islam aujourd'hui font des efforts pour éteindre cette lumière, mais qu'ils ne peuvent éteindre. Ils ne peuvent l'éteindre. Car Allah tabaraka wa ta'ala a annoncé qu'il protège sa religion. Et certes, il y a aussi donc ici le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu, il lui a été donné donc les deux royaumes, le royaume des Perses et des Romains. Et donc sa communauté atteindra le royaume des Perses et des Romains. Encore une fois, un autre signe de la prophétie. Et ensuite, il continue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous dit, « Wa inna rabbi kol, ya Muhammad, inni idha qadaytu qada'an fa innahu la yurad. » Et certes, mon Seigneur a dit, « Oh Muhammad, lorsque je prends un décret, alors celui-ci ne peut être rejeté. Il ne peut être repoussé. Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. « Wa inni a'taytuka li ummatika an la uhlikahum bi sanatin bi amma wa an la usallita alayhim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. » Et certes, je t'ai donné pour ta communauté le fait que je ne vais pas les faire périr par une famine générale. Et donc, je ne vais pas faire périr toute ta communauté par une famine générale, par une sécheresse générale. Et je ne vais pas non plus donner le pouvoir à un ennemi sur eux, afin que celui-ci les anéantisse tous. Il y a ici dans ce passage, barakallahu fikoum, mon cher frère, un autre point important, c'est une parole très connue que les savants nous citent. La tazel, la yazulul haq. La vérité ne peut disparaître. La vérité ne disparaît pas. Allah, tabaraka wa ta'ala, laisse toujours un groupe de la vérité afin d'établir la preuve sur les autres. Allah, tabaraka wa ta'ala, laisse toujours un groupe sur la vérité afin de montrer, afin que ceux-ci montrent la vérité aux autres. Comme on le verra à la fin de ce hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, « Wa la tazalu ta'ifatun min ummati, al-haqqi mansourin, et il ne cessera d'y avoir un groupe de ma communauté qui seront sur la vérité, apparents et secourus. La yadurruhum man khazalahum wa la man khalafahum hatta yatiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Ceux qui les ont trahis et ceux qui les ont donc qui s'opposent à eux ne leur font pas de mal jusqu'à ce que vienne le commandement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc la vérité, elle est toujours là. C'est pour ça que c'est pas possible, barakallahu fikoum. Il y a certains sujets, c'est pas possible qu'il y ait un savant ou une personne qui vienne avec un nouvel avis qui n'a jamais existé. Parce que la vérité, elle a toujours existé, elle a toujours été présente. Et donc, vu que la vérité, elle a toujours été présente, si tu veux être sur la vérité, il faut que tu viennes avec un avis qui était présent avant. Tu ne peux pas venir avec quelque chose de nouveau et qui contredit la vérité. Tu ne peux pas. Et ensuite, il continue. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cité la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui dit « وَلَوْ اِجْتَمَعْ عَلِيهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا » Et donc, je ne donnerai pas le pouvoir à un ennemi afin que celui-ci les anéantisse tous. Et ceci, même si tous ceux qui sont sur la terre se réunissent contre les musulmans. Subhanallah. Barakallahu fikoum les frères, nous devons mettre notre confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Arrêtez d'avoir peur. Lorsque le patron d'entreprise t'empêche de faire ta salat, il t'empêche de faire ton jumu'ah, il t'empêche de te rapprocher de ton Seigneur, ne t'inquiète pas, mets ta confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Man taraka shay'an lillah, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yu'tihi khayran min dhalik. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, tabaraka wa ta'ala, alors Allah lui accorde mieux que cela. Et donc nous devons mettre notre confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, car même si tous ceux qui sont sur la terre se réunissent pour anéantir les musulmans, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et ensuite il continue. Allah, tabaraka wa ta'ala, hatta yakuna ba'duhum yuhlika ba'da, yuhliku ba'dan, wa yasbi ba'duhum ba'dan. Et donc Allah ne va pas donner le pouvoir à un ennemi extérieur à la communauté afin que celui-ci anéantisse toute la communauté. Il ne va pas le faire. Jusqu'à ce que, il nous dit tabaraka wa ta'ala, jusqu'à ce qu'il y ait certains d'entre eux, donc certains de la communauté musulmane, qui vont anéantir certains de cette même communauté. Et qui vont aussi les rendre captifs. Et donc, ici, on voit, barakallahu fikoum, au cher frère, que, aussi encore un signe de la prophétie, le sang, l'épée, le meurtre, va toucher la communauté musulmane. Et certes, on le voit, des musulmans qui se tuent mutuellement, qui se combattent mutuellement, des peuples musulmans qui se combattent mutuellement, qui se font la guerre, et qui s'emprisonnent mutuellement. Et certes, ceci est une des conséquences de l'innovation. Car comme le disent les savants, et parmi eux l'imam Ibn Nubayz, rahimahullah, l'innovation en ses débuts est une parole que tu prononces, ou une croyance, une petite parole ou une croyance. Et à la fin, c'est une voie, un menhej pour lequel les gens vont combattre. Et donc l'innovation propage la division dans la communauté, la haine dans la communauté, le meurtre dans la communauté. Ensuite l'auteur rahimahullah nous dit, ce hadith a été rapporté par Al-Barqani fi sahihihi, dans son sahih wa zed. Et il a aussi rajouté. Et donc il a cité une autre narration. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans sahih muslim. Mais il y a une autre narration avec un rajout, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُدِلِّينَ. Cependant, ce qui me fait peur concernant ma communauté, ce sont les imams égareurs. Subhanallah. Comme ce sujet est lourd et dangereux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit dans Sunan Abi Daoud, إِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِ الْأَئِمَّةَ الْمُدِلِّينَ. Cependant, ce qui me fait peur concernant ma communauté, ce sont les imams égareurs. Subhanallah. Lorsque ces imams vont émettre des fatwas, vont appeler les gens à l'égarement, combien vont les suivre dans la communauté? Parce qu'ils font confiance à ces imams. Ils leur accordent leur confiance. Et ces gens vont trahir la responsabilité qui leur a été confiée. Ils vont émettre des avis juridiques contraires au Coran, contraires à la Sunna, contraires à la voie des pieux prédécesseurs. Et les gens vont les suivre en cela. Les imams de l'égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre cela. Et nous devons nous méfier. Il y a donc en cela le fait qu'il y a des personnes dans la communauté musulmane qui seront affiliées à la science, qui seront des imams de l'égarement. Et donc le musulman doit faire attention. Ce n'est pas parce que c'est un imam que ça veut dire que c'est un bon imam. Il faut que tu te méfies avant d'aller poser la question. Avant d'aller lui demander quel est le jugement de ci ou de ça, il faut que tu saches si celui-ci est sur une voie correcte. Et ensuite, il continue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » Et lorsque l'épée, donc, arrivera dans la communauté, donc, c'est-à-dire lorsqu'ils vont se battre mutuellement, ceci ne sera pas enlevé jusqu'au jour de la résurrection. Et donc la communauté musulmane sera éprouvée par cela, le fait de se combattre mutuellement jusqu'au jour de la résurrection. وَلَا تَكُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِّنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِّنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانِ Allahu Akbar. Et ceci est la raison pour laquelle l'auteur a cité ce hadith. Il nous dit, rahimahullah, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, et certes l'heure n'arrivera pas, donc la fin des temps, l'heure n'arrivera pas avant que certains de ma communauté ne rejoignent les polythéistes. Et avant que donc certains groupes de la communauté, de ma communauté, n'adorent les idoles. Et donc oui, il y a des groupes de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vont adorer les idoles. D'où l'importance d'étudier ce sujet. Car l'adoration des idoles fait sortir de l'islam. Et ceci est un principe fondamental que nous ne devons pas négliger. Et ensuite il continue sallallahu alayhi wa sallam. Wa innahu sayakunu fi ummati kadhabuna thalathun. Et certes, il y aura dans ma communauté 30 menteurs. Chacun prétendra qu'il sera prophète. Et ceci, ô chers frères, est arrivé. Il y a eu après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont prétendu être des prophètes. Et ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa ana khatamun nabiyyin, et je suis le dernier des prophètes. La Nabi Yabadi, il n'y a aucun prophète après moi. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansura. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah tabaraka wa ta'ala. Et il ne cessera d'avoir un groupe de ma communauté sur la vérité secouru. Et ceux qui s'opposent à eux et qui les trahiront ne leur feront pas de mal jusqu'à ce que vienne le commandement d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Fin du hadith. Barakallahu fikum les frères. Il y a un point important ici que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a abordé. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que les gens, le groupe de sa communauté qui est sur la vérité, tous ceux qui s'opposent à eux, et tous ceux qui les ont trahis ne leur font pas de mal. Taïb, n'est-ce pas que l'imam Ahmed, rahimahullah, il était sur la vérité et pourtant, il a subi des injustices. Il a été frappé, fouetté, tabassé. N'est-ce pas qu'on a des imams de la communauté musulmane qui ont été emprisonnés injustement? Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui est allé plusieurs fois en prison. Et donc, n'est-ce pas que cela est une difficulté? Et c'est là qu'Ibn Taymiyyah, elle nous dit il y a une différence entre être darar, que j'ai traduit ici par le mal, le fait qu'ils ne leur font pas de mal, et el-ever, le fait de faire du tort. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit yu'zin ibn Adam, l'enfant de Adam, il me fait du tort. L'enfant de Adam, il me fait du tort. L'enfant de Adam, il insulte le temps. Et je suis le temps. Je retourne le jour et la nuit. Et donc ici, barakallahu fikoum, on a un point important. C'est qu'une personne peut faire du tort. Mais cela ne veut pas dire qu'elle va faire du mal. Le tort que l'enfant de Adam va faire à Allah tabaraka wa ta'ala, cela ne l'atteint pas. Cela ne l'atteint pas et donc ça ne lui fait pas du mal. Et celui qui est sur la vérité, les gens vont lui faire du tort, mais cela ne lui fait pas du mal. Car il sait pertinemment qu'il est sur la vérité et qu'il sera récompensé pour cela. Et il patiente dans la difficulté. Et c'est pour cela qu'il nous est mis à rahimahullah. Il y a des textes rapportés de lui où il dit « Jannati fi sijni » « Mon paradis est dans ma prison. » C'est-à-dire que dans ma prison, je fais mes causes pour aller au paradis. Et donc, il patiente dans la difficulté « Moutemi atarahimahullah » Cela ne lui fait pas du mal. Tout ce que les gens peuvent faire à ton encontre, parce que tu es sur la vérité, parce que tu appelles les gens au Coran et à la Sunna, les gens peuvent mentir sur toi. Dire que tu es un extrémiste, dire de toi ci et ça, ils peuvent mentir. Ils ne te font pas de mal, car tu es sur la vérité. Alors patiente et endure, comme ont fait les peuples d'avant toi. Comme ont fait donc les prophètes, quand ils ont patienté et enduré. Comme ont fait les compagnons, quand ils ont patienté et enduré dans la difficulté. Ceci est une obligation. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, et la semaine, on va commencer un lourd sujet où il y a plusieurs chapitres concernant la sorcellerie. Waffaq Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.